mettez votre casque. Sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs. Ici, vous serez bien. Sur les bancs. Sur les bancs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez. Prenez place. Sur les bancs. Écoutez. Installez-vous. Mettez votre casque. Jaurès est mort, de Tariq Nui. Bien. Alors voilà. Ce banc, ce n'est pas n'importe quel banc. Vous voyez, les gens s'y assoient, tout le monde passe devant, mais ce banc est très important. Il a changé la face de la France. Pour vous raconter l'histoire de ce banc, je vais monter dessus. Voilà, et en plus, vous allez mieux m'entendre. Oui, oui, je vous entends, mais... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur ce banc que Jean Jaurès a commencé à parler à la foule. Disons que sa carrière politique a commencé ici, sur ce banc. Il n'avait encore que 14 ans, mais... C'est n'importe quoi. Pardon, mais vous êtes qui, vous ? C'est pas sur ce banc que Jean Jaurès a commencé. C'est sur l'autre, là-bas. Plus loin. Celui-là, c'est celui sur lequel Pierre et Marie Curie se sont embrassés pour la première fois. Monsieur, sachez que j'ai fait une thèse sur les débuts d'orateur de Jean Jaurès, et c'est sur ce banc et pas un autre qu'il a commencé sa carrière. J'ai fait ma thèse sur les premiers flirts de Pierre Curie, et je peux vous dire que c'est sur ce banc et pas un autre qui se sont bécotés la première fois. Et j'ai un ami qui connaît tout sur Jean Jaurès et qui m'a certifié que c'est sur le banc là-bas qu'il est monté pour s'entraîner à faire ses discours. Alors faudrait peut-être voir vos copies et arrêter de prendre les touristes pour des imbéciles. Et puis, je sais pas, moi, c'est sale de monter sur un banc comme ça. Oui, pardon, c'est pour me montrer comment il faisait. Faudrait déjà que vous soyez à la bonne place. 13h30. Il y a mon touriste VIP, visite privée et intime de Paris à travers Pierre et Marie Curie qui va arriver dans une demi-heure à peine. Il va falloir me laisser la place. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre là-bas, debout sur le banc? Il fait Jean Jaurès, justement. Mais je vais aller où, moi? Tous les bancs sont pris. Là, au fond, il y a le visite privée et intime de Paris à travers Brassens qui va se terminer. Il finit de chanter Les Amoureux des bancs publics. À lui, je l'aime pas, ce guide. Avec sa fausse moustache, c'est vraiment bidon. C'est même pas le bon parc, en plus. Désolé, je voulais pas être brusque, hein. Mais il y a tellement de charlatans dans ce milieu. Vous pouvez pas me laisser finir avec mon histoire de banc? Et puis je m'en vais, et on n'en parle plus. J'avoue que j'ai pas fini ma thèse, voilà. Mais j'ai plus d'argent, et puis un banc ou un autre, entre nous, qu'est-ce que ça change, hein? Oh, je vous laisse 20 minutes, alors. Et puis c'est tout. Mais il faudra vraiment vérifier vos sources la prochaine fois, parce qu'après, c'est le chaos. Excusez-moi, monsieur. Oui ? Elle est où, la Tour Eiffel ? La Tour Eiffel ? Mais... C'est une visite de Paris à travers Jean Jaurès. C'est pour ça que je vous ai amené ici, madame. Pour une visite privée et originale. Il est jamais allé à la Tour Eiffel, Jean Jaurès ? Ouais, sûrement, enfin, je sais pas. Il n'a pas fait quelque chose à la Tour Eiffel, genre une visite le dimanche ? Vous pourriez me raconter quelque chose là-dessus, ça serait l'occasion. Je suis censée être en visite privée VIP. Si je rentre sans avoir vu la Tour Eiffel, c'est... Je sais pas... C'est que... Il n'y a rien de notable avec la Tour Eiffel. Non, il a dû y faire un tour et c'est tout. Je sais pas quoi vous dire, moi, fallait choisir un autre service VIP. C'est justement pour changer des mêmes circuits qu'on propose ce service unique et personnalisé. C'est bien ce que vous vouliez, madame. Oui. Je me suis dit que ça serait original, je sais pas... Oh, je m'ennuie tellement. Et puis moi, personnellement, je m'en fiche de Jean Jaurès. Je sais même pas qui c'est. J'ai vu des boulevards à son nom. C'est pas rien, un boulevard. Alors je me suis dit, ça doit être quelqu'un. Une star ou je sais pas. Je veux pas vous vexer, mais il y avait plus de place pour la visite privée de Paris à travers Gustave Eiffel. J'aurais eu plus de chance de voir la Tour Eiffel quand même. Jean Jaurès, il a bien dû aller y faire un tour le dimanche, non ? C'était Jaurès est mort, de Tariq Nui, avec Brice Hilleret, Emmanuel Lemire et Julie Pouillon. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissance. Prise de son, montage et mixage, Cécile Braque et Jason Taus. Assistant à la réalisation, Félix Levacher et Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois. Sur les bancs est une coproduction France Culture et Gédéon. Sur une idée originale de Thomas Baumgartner.